Petite somme théologique de saint Thomas d'Aquin, par l'abbé Frédéric Le Breton, tome 3, Gaumet-Dupré 1862. Question 28. Des actes ou effets intérieurs de la charité, et d'abord de la joie. La joie spirituelle, effet de la charité, peut exister avec la tristesse. Au ciel seulement elle sera pleine et entière. La joie est un fruit de la charité, et non une vertu. 1. La charité produit-elle la joie? Nous avons vu, dans le traité des passions, que l'amour produit la joie et la tristesse, la joie, dès que le bien qu'on aime est présent, la tristesse, quand ce bien est absent. Or la charité fait habiter Dieu en nous, selon cette parole, celui qui demeure dans la charité demeure en Dieu et Dieu en lui. 1 Jean 4, 16. Pour cette raison elle produit une joie spirituelle. 2. La joie que produit la charité est-elle mêlée de tristesse? La charité produit en nous deux sortes de joie, l'une, principale, par laquelle nous nous réjouissons du bien divin considéré en lui-même. Celle-là n'est mêlée d'aucune tristesse, pas plus que le bien qui la cause ne peut être mélangé d'un mal quelconque. Aussi l'apôtre disait-il, « Réjouissez-vous toujours dans le Seigneur. » Philippiens 4, 4. L'autre, secondaire, est celle par laquelle nous nous réjouissons du bien divin, en tant que nous y participons. Celle-ci peut être unie à la tristesse, et c'est ce qui a lieu lorsque l'on s'afflige des obstacles qui empêchent, pour soi ou pour le prochain, la participation à la béatitude. Note. Nos péchés passés, ceux du prochain, les misères de cette vie, voilà les obstacles qui empêchent notre participation immédiate et parfaite au bien divin. Fin de la note. 3. La joie de la charité peut-elle être pleine et entière? Un jour le Seigneur, parlant à ses disciples, disait, « Afin que ma joie soit en vous et que votre joie soit pleine. » Jean 15, 11. Tant que nous sommes dans ce monde, nous ne cessons pas de désirer quelque chose, parce qu'il nous reste toujours à nous approcher davantage de Dieu par la grâce. Notre joie n'est jamais pleine et entière ici-bas, mais, parvenus à la béatitude parfaite, nous jouirons pleinement de Dieu, et, dans cette jouissance, nous trouverons tous les autres biens, suivant cette parole du psalmiste, « Dieu remplira votre désir en vous comblant de ses biens. » Psaume 102, 5. Alors, mais seulement alors, notre joie sera parfaitement pleine, elle sera même surabondante. Comme le dit l'apôtre, le cœur de l'homme n'a jamais conçu ce que Dieu a préparé pour ceux qui l'aiment. 1 Corinthiens 2, 9. Ce que le divin maître exprime en ces termes, on versera dans votre sein une mesure qui débordera. Luc 6, 38. Toutefois, aucune créature n'étant susceptible d'une joie adéquate à celle de Dieu, cette joie pleine et entière n'est pas contenue dans l'homme, l'homme pénètre plutôt en elle, suivant cette parole de l'Évangile. Entrez dans la joie de votre Seigneur. Matthieu 25, 21. 4. La joie est-elle une vertu? La joie ne prend rang ni parmi les vertus théologales, ni parmi les vertus morales, ni parmi les vertus intellectuelles. Il s'ensuit qu'elle n'est pas une vertu, elle est simplement un acte ou effet de la charité, ce que saint Paul appelle un fruit. Galates 5, 22. Markandanarchive.org 2020, d'après Books Google FR, licence Creative Commons pas d'usage commercial, partage à l'identique.